un petit contexte pour comprendre dans quoi on arrive là. Donc c'est le festival Artiri 3, Déconfiner les mondes, qui avait lieu le mardi 29 août à 18h à la librairie Parchemin. C'était organisé par les éditions du Sapin. Dans le micro ouvert, partie 1, on a entendu Nicolas Thirion, professeur à l'Université de Liège, pour son livre « Le confinement par les nuls, démocratie, état de droit et crise sanitaire ». Et dans le micro ouvert, partie 2, eh bien, on entend Roland Devresse, auteur de « Au confinement des mondes », qui nous raconte et qui fait des lectures. Et ensuite, on entend Pierre Etienne et Pascal Midrez, qui sont deux chercheurs. Du coup, ça va être à mon tour d'essayer de présenter cette période bizarre. Alors, moi, je suis un très mauvais élève. J'ai raté 3 fois l'UNIF, pour tout vous dire. Et j'ai raté mon café ce matin. Il a brûlé. Et alors, j'ai aussi raté mon train. Et j'ai aussi raté le seul rendez-vous que j'avais aujourd'hui, à part maintenant. Donc, en fait, j'ai absolument tout raté dans cette journée. Donc, je vous préviens d'avance, ça va être... comme un confinement, en fait, super décousu, et je suis pas sûr des temporalités que je vais vous donner, mais bon, il paraît que je suis écrivain, donc ce que je vais faire, c'est faire mon métier d'écrivain, je vais vous lire des textes, quoi, et essayer de, non pas de vous rendre compte du réel, mais en tout cas de vous le faire sentir, et en prenant comme référence une magnifique phrase d'Orson Welles qui disait: chaque fois que je vois la vraisemblance en cinéma, je lui tords le cou. Je suis pas sûr qu'elle ait été comprise, celle-là, mais je pourrais vous l'expliquer après. Donc je vais commencer par un texte qui est issu d'un recueil que je n'ai pas encore publié, que je publierai peut-être un jour si j'en ai envie. Pour l'instant, pas trop. Et j'ai vraiment envie de commencer comme ça, parce que j'ai vraiment envie de commencer par... non pas... ce qui s'est passé avant le Covid, je vais en parler. Ce qui s'est passé pendant, je vais en parler aussi. Mais parce qu'il se passe maintenant, et ce qui s'est passé directement après. Et... ce texte, il fait... J'irai aux passions calmes retrouver la gaieté. Sous les jours épuisés d'où provient le vacarme, sécher les quelques larmes qui coulent de paupières amies. Tenter d'apaiser un peu de nuit en eux. Tenter de se faire arme dans leur guerre acharnée contre ce long ennui qui accompagne la vie, contre la longue inquiétude devenue calendrier. Cassandres épuisées réclament la solitude pour ne pas exploser, ne plus tenter de vivre, éviter d'être ivre, simplement exister pour ne pas trop douter, douter, c'est déjà trop. Des pensées au galop sans cesse rebroussent chemin, hésitent pour le grand saut, se reprennent soudain, ivres de vouloir vivre, jusqu'au prochain assaut des sections de la mer. 5e vague pour l'hiver, nuit blanche, métro, boulot, nuit blanche, métro, boulot. On n'était pas prêt pour après. On le savait qu'on n'était pas prêt pour après, mais on applaudissait pour l'invoquer. Après. Voilà. Il est là, dans le grain de ta voix, il est là, dans ton regard perdu, il est là, dans ta peur de l'inconnu, il est là, dans tes abstinences, il est là, dans tes pertes de présence, il est là, quand tu dis te retirer par choix, il est là, le monde d'après, à vous, on n'était pas prêts. De manière très décousue, essayer de parler de ce truc et puis de parler de ce livre, de pourquoi il est arrivé, ce petit livre qui s'appelle en fait Au confinement des mondes et qui est paru une seule fois à 200 exemplaires aux éditions du Sympa avec une préface de Raoul Van Eugen qui a aimablement accepté de le faire. Ce livre, en fait, je l'ai écrit vraiment pendant la. Pendant que l'état d'urgence sanitaire était encore en cours, et en fait, je l'ai écrit comme on se marquerait soi-même, comme on se marquerait au fer, ou comme on se marquerait d'un tatouage pour ne pas oublier un événement, parce que cet événement, je voulais pas l'oublier. Nous, on l'a vécu de manière très, très particulière, c'est-à-dire, on sortait, on était encore en plein dans une phase assez spécial, en fait, de l'histoire politique de ma génération, à savoir la succession du mouvement Gilets jaunes et du mouvement climat, auquel je ne donne pas la même importance, mais qu'on a voulu prolonger dans un geste qui était encore un peu nihiliste à l'époque et dont la nomination de ce geste était... Enfin, dont le nom de ce geste s'appelait Zad Darlon, quoi. Et donc, on est arrivé, nous... Jeunes militants, plutôt anarchs, communistes, dans des idées très arrêtées de ce que pouvait être la révolution et ce que pouvaient être les modes de contestation. Et puis, on était là, au milieu du mouvement Gilets jaunes, qui commençait à fusionner avec les marches climat, et puis qui commençait à fusionner avec d'autres trucs beaucoup plus beaux, à savoir des murmures qui commençaient comme ça... à se dire d'oreille à oreille, de groupe Facebook à groupe Facebook, entre Paris et Alger, entre Hong Kong et Bruxelles, entre le Chili et les États-Unis. Et puis, je vous jure, il y avait vraiment... Pour qui avait offert son corps à ces luttes-là, il y avait vraiment une putain d'ambiance, quoi. Il y a eu une ambiance de fou où on sentait comme ça qu'à l'international, ça commençait à craquer. Et que les gens, ils commençaient à se parler, quoi. Et puis en un coup, je me souviens, je faisais une expo avec ce garçon-là, et Guillemette, qui est là quelque part, sans doute, qui est juste là. On faisait une expo, et très étrangement, le premier jour du confinement, c'était le dernier jour de notre expo, qui a été annulé, quoi. Alors je me souviens, je suis parti avec elle. On est parti, on a fait 3 heures de train, d'ici de la gare du Midi jusqu'à la ZAD à Arlon, en se disant que pour nous, c'était pas... possible d'être confiné, tout simplement. D'ailleurs, je me souviens, il est où, Laurent? Il est pas là. Bon, Laurent est pas là, mais c'est le libraire qui signe. En fait, on s'est carrément enfoui, parce que ce mec, qui est complètement hypochondriaque et qui est un spécialiste d'Agamben et de Carl Schmitt, a commencé à nous dire, bah, vous allez voir, dès demain, vous allez avoir des drones qui vont vous parler en arabe, en allemand, et qui vont vous tirer dessus et tout. Bon, c'était vrai, sauf qu'ils nous ont pas tiré dessus. Mais donc, du coup, nous, le confinement, on l'a vécu à la ZAD d'Arlon, quoi. Dans 30 hectares, où, effectivement, il n'y avait plus beaucoup de gens qui passaient, parce que c'était le confinement, et qu'il y avait cette espèce d'état d'urgence sanitaire fou, comme ça, et tout. Et on était, quoi, une trentaine sur 30 hectares, et en tout cas, dans le premier mois, j'ai tendance à dire, en paraphrasant une phrase de Talleyrand, que qui n'a pas connu le début du confinement à la ZAD ne sait pas exactement ce que c'est que la douceur de vivre. Nous, on était dans ces bois-là, avec de temps en temps des drones qui passaient par-dessus nous, et puis des flics qu'on rejetait à coups de barre de fer et tout. Et puis, bon, de temps en temps, il fallait bien grailler, tu vois. Il fallait bien manger, il fallait bien aller acheter de l'alcool, beaucoup d'alcool. Et puis on sortait comme ça de nos 30 hectares de bois, et on arrivait dans Arlon. Et effectivement, il y avait des drones qui te survolaient comme ça, et puis qui parlaient en arabe, en allemand, en français. Et puis t'arrivais au kebab, et puis t'étais là, tu te disais, mais t'avais sur toutes les télés, en boucle, des gens qui disaient, regardez, en Italie, un jeune de 18 ans est mort du Covid, et puis ça tournait. On se disait, mais merde, ils ont trop pété un câble. Donc en fait, pour les gens qui ont vécu ce confinement à la ZAD, on a vécu la période Covid, chaque fois qu'on sortait de la ZAD, comme on habiterait comme on visiterait un pays étranger avec des mœurs et des coutumes qui sont fondamentalement étranges, quoi. Et ce truc-là, il fallait le marquer, et donc c'est pour ça que j'ai absolument voulu écrire au confinement des mondes comme une promesse faite à tous ceux avec qui on a vécu ça, comme une promesse faite à moi-même, de dire, en fait, nous, on va pas oublier. On sait qu'il s'est passé un truc vraiment bizarre. Et on va pas oublier. Et si je peux faire un commentaire, c'est très intéressant que tu cites Carl Schmitt. Et aussi peu recommandable que soit Carl Schmitt, parce qu'il était juriste du Troisième Reich, en fait, c'est ça qui le rend intéressant. C'est quand Carl Schmitt parle de dictature, il est pour. Et c'est pour ça que c'est un des meilleurs analystes de la dictature qu'il est possible d'avoir. Donc, comme on a directement été... au point Godwin, l'air de rien, mais en réalité, c'est là que je voulais aller. Hein. Je veux dire, je vais pas faire semblant. Hein. Je vais lire 2-3 textes de Au confinement des mondes qui reparaîtra sans doute un jour. Ce livre est presque aussi maudit que son poète, mais il finira par revenir vous inquiétez pas. Je vais lire 2-3 textes. Et puis après, je vais faire un truc que j'avais pas spécialement envie de faire à la base, mais le niveau de la discussion était quand même déjà directement assez bon, donc on va parler de ce qu'avec des copains on appelle le technofascisme, ou dans une appellation plus soft, la société sans contact. Mais d'abord, je vous place un peu de poésie. Pensez pas que ça va détendre l'atmosphère, hein. Ça va être pire. Hein. Ah, celui-là, je l'ai écrit parce qu'un jour, un ami qui m'est très cher a... Ah ouais, faut que je vous parle de ça. Un jour, un ami qui m'est très cher a perdu son père en plein Covid, et puis moi, j'étais à la ZAD. J'étais bourré, j'étais dans une insouciance, enfin, c'était vraiment atroce. Et tout d'un coup, m'est apparu un truc très fondamental quand je suis parti le rejoindre. C'est que, et j'ai cherché depuis, et je prends à témoin les historiens et les chercheurs qui sont dans la pièce, je cherche depuis le Covid une société, une tribu, une civilisation qui est interdit aux gens d'honorer leurs morts. D'après Michel Foucault, ça vaut ce que ça vaut. Même pendant la peste, pendant les pires heures de la peste noire en Occident, on pouvait enterrer nos morts et on pouvait leur rendre hommage, ben, je me suis fondamentalement interrogé sur la façon dont la société technique la plus puissante de tous les temps était arrivée à un niveau de sauvagerie tel qu'elle ait empêché les gens de faire des cérémonies pour les morts, pour ceux qu'ils ont aimés et qui sont partis pendant ce temps-là. Il y a l'exemple de cet ami qui a perdu son père, mais il y a d'autres exemples. De la manière dont l'Occident ne sait pas dire au revoir. J'habitais à Anderlecht à ce moment-là, c'était un an ou un an et demi avant le Covid, et la propriétaire, c'était une vieille amie de la famille, je l'appelais marraine, elle m'appelait Monsieur Devresse, elle me vouvoyait. Et un jour, moi qui habitais tout en haut, elle tout en bas, elle avait 94 ans, la dame. J'entends « Monsieur Devresse », une voix vraiment suppliante, quoi. Et je descends et je vois cette dame de 94 ans qui a vécu toute sa vie dans la maison dans laquelle elle est née, du côté de Saint-Guidon, qui est tombée de son lit et qui, enfin, clairement est en train de mourir, quoi. Et là, je me pose la question, mais qu'est-ce que je fais, en fait? Est-ce que j'appelle l'ambulance ou pas? Est-ce que je respecte la volonté de cette dame de mourir chez elle, dans le lieu où elle est née? Ça faisait 10 ans qu'elle disait « j'ai envie de mourir, j'ai 94 ans, mais qu'est-ce que je fous encore ici ?» Mais comme elle était très catholique, tellement catholique qu'elle sortait avec un curé, bon enfin ça c'est encore une autre histoire. Comme elle était très catholique, elle ne pouvait pas commettre le suicide, quoi. Eh ben, croyez-moi ou pas, bah, comme un con, j'ai appelé l'ambulance. Et c'est pas l'ambulance qui est venue, c'est des pompiers. Donc je suis tombé sur 2 petits flamands blonds, bodybuildés, etc. Eh madame, mais comment elle va? J'ai combien de doigts, machin et tout? Bon ben, résultat des courses, elle est morte, seule, dans la merde, en plein confinement, dans un hospice. Je ne comptais pas la raconter, celle-là. Elle glace un peu. C'était le temps des longs tourments où se noyaient dans la bière et le sang les damnés du confinement. Il y avait elle, morte en hospice dans une flaque de pisse par manque d'eau et d'attention. Il y avait ce garçon, pas très grand, pas très beau, déjà pas très heureux, qui s'enfuit dans le feu, s'enfuit sans dire adieu. Et puis elle, pas trop vieille, quoique déjà un peu débordée, dont l'esprit fut emporté dans un bourdonnement d'abeilles vers les rives psychiatriques. Alors qu'à 2 pas, un alcoolique, ivrogne, notable, aimable, jusqu'à minuit, criait à l'aide, au secours, à l'agonie, sous les coups de 3 flics qui troublaient leur ennui. Puis il y a ton regard, où danse ce fantôme, être perdu et cher dans les tourments trop denses d'une époque de fer. Tu m'as dit l'art, et la vengeance. Voilà ce que je souhaite. Puisse une telle transe dire la fin de nos défaites, ce monde, devenu désobligeant, nous désoblige assurément. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête ? Le confinement est officiellement fini, certes, mais nos cœurs, nos corps, eux, restent confinés. Nos gestes sont comme mutilés et tels des spectres nous errons par-delà nous-mêmes. Nous ne sommes presque plus humains, mais nous peinons encore à devenir autre chose. Y a-t-il une issue ? Une issue de secours rouge ? Bruxelles dévie et quelques gens s'enterrent dans la bière ou les babioles parce que ça, au moins, on a le droit de le faire. C'est le seul droit qui nous reste d'ailleurs. Et on obéit. On obéit parce qu'on ne sait pas quoi faire. Mais où sont donc partis les oiseaux ? Je n'entends plus leur voix, ils ont mis des masques, car le chant c'était une autre époque et dans ce monde la danse est abolie. Doucement se répand la société algorithmique, bulle sociale, distanciation, gestes barrières, la matraque traque et déplacements inessentiels. Qui peut douter, comme dirait mon cher ami Nicolas, que la police soit devenue le régime ? Je dérive dans Saint-Gilles, Saint-Gilles au gyrophare bleu, tout est suspendu, sinon les terrasses de café. Méthodiquement, le pouvoir tente d'y annuler la vie, mais Saint-Gilles est jaune et les murs en témoignent. Il crie insurrection, aidé par ses balcons qui oscillent entre Adil et la santé en lutte. Mais Saint-Gilles est jaune et les corps en témoignent. Il murmure, tout le monde déteste la police, aidé par ses agents qui oscillent entre Adil et la matraque qui chute. Croissent les mondes dans la nuit sanitaire. Il s'écoule silencieux comme l'eau cherche toujours à rejoindre le ruisseau et comme le ruisseau se jette parfois dans un fleuve tempétueux. Mais de tempête, la jeunesse semble privée. Nous voilà abattus, courbés, devenus sans culture, puisque désormais nos gestes propagent l'ennemi viral. Mais qui proclamera la fin des mauvais jours ? Qui donc éclatera la bulle ? De quel côté du corps social reviendra le désir d'orgie ? Quand retrouverons-nous, enfin, les gestes barricades ? Demain peut-être. Un jour, ils ont annulé le printemps. Dans tes yeux confinés pointe cette folie qui refuse de s'éteindre, plus vive encore qu'au temps des démocraties libérales, plus brutale que jamais. Il y avait elle qui souvent venait mendier à la terrasse de ce bar, elle n'y vient plus. Personne ne l'a revue. On pose sur son souvenir des questions à demi-mot ou des silences pudiques. Ils nous ont dit le monde d'après. Bien entendu, personne n'y a cru. Eux, les premiers, on a fait semblant, c'est tout. Il fallait bien se raccrocher à quelque chose, un vague espoir. Mais l'espoir est devenu cendre sous braise. Si j'avais un peu d'audace, je ferais une analyse croisée entre les corps infectieux qu'ostracisaient les littératures fascistes, corps juifs, tziganes, communistes et tant d'autres. Corps dont la seule présence, disait-elle, suffisait à corrompre le corps de la société, de la communauté organique. Tous les corps sont devenus potentiellement porteurs du virus, mais je n'ai pas cette audace. Cela engendrerait trop de polémiques, cela prendrait trop de temps. Je le ferai plus tard, sans doute peut-être, avec au visage le masque d'un personnage de roman qui me placera à 1m50 de distance sociale des reproches futiles des commentateurs. Je peux sans trop de difficulté, par contre, affirmer que désormais nous sommes toutes et tous devenus des gilets jaunes. Non pas par revendication, mais parce que désormais c'est comme tel que le pouvoir nous traite. Il sait qu'il peut impunément violer ses lois. Il s'est fait agent de circulation. Le rire pervers d'un commissaire fait désormais office de constitution. Oui, parce que Van Der Smithson, pendant ce moment-là, il n'était pas en reste, tu vois. Maintenant, j'aime. Maintenant, ça va être un passage un peu plus chiant. Je vais essayer de vous rendre compte des réflexions qu'on a posées avec 2-3 copains. Qui sont des réflexions qui, comme disait assez justement Nicolas, le Covid n'ayant pas été un instigateur de ce nombre de choses, mais un révélateur, vraiment un révélateur très puissant, c'est des thèses sur ce qu'on appelle le technofascisme. Je suis pas sûr que le mot soit très très bon et très efficace en réalité, mais qui en tout cas se place sous l'égide d'un mec quand même très important du XXe siècle qui s'appelle Walter Benjamin, et dont les thèses sur le concept d'histoire, je pense, sont d'une inébranlable actualité. Je vais en citer une, je me semble que c'est la dernière ou l'avant-dernière, je ne sais plus, mais elle me semble essentielle sur toute réflexion sur ce qui nous est fait, en tout cas, du moins depuis le Covid et même un peu avant. Donc Benjamin, il dit « La tradition des opprimés nous enseigne que l'état d'exception dans lequel nous vivons est la règle. Il nous faut en venir à une conception de l'histoire qui corresponde à cet état. Alors nous aurons devant les yeux notre tâche, qui est de faire advenir le véritable état d'exception. Et notre position face au fascisme en sera renforcée d'autant. Ce n'est pas la moindre de ces chances que ses adversaires l'affrontent au nom du progrès comme norme historique. S'étonner de ce que les choses que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle n'a rien de philosophique. Ce n'est pas un étonnement qui se situe au commencement d'une connaissance, si ce n'est la connaissance que la représentation de l'histoire qu'il engendre n'est pas tenable. » Première thèse. Le fascisme se signale comme monomanie. Il est la fixation organique d'un territoire politique à une seule idée, germanité, État, catholicisme, etc. pour les fascismes historiques. Marchandise pour le fascisme contemporain. Les justifications métaphysiques des fascismes historiques continuent de courir le monde, mais elles sont comme dégradées et finissantes. Les piètres incarnations se succèdent sans vraiment réussir à marcher sur Rome. C'est que ces incarnations sont superflues dès lors que le fascisme est devenu diffus, technique. Il se passe aisément d'idole et choisit à son gré les chefs d'État qui feront tampon entre lui et nous. Le technofascisme, c'est le capital à un tel degré de concentration qu'il devient environnement. Deuxième thèse. La marchandise occupe militairement les corps, les villes, les campagnes. Il n'est presque plus de médiation qui ne soit technique. La technique comme arme de guerre qui discipline d'avance au nom d'un principe de précaution. Une gestion des conflits, de la guerre civile, qui met le monde en préventive. Parodie d'Asimov qu'une psyché d'ingénieurs et de chercheurs ont réalisé. En cela, les agents spécialisés du technofascisme ont mis en place le vieux rêve des avant-gardes. Ils ont mis l'imagination au pouvoir. La stratégie esthétique du pouvoir est à la fois futuriste, surréaliste et situationniste. Le technofascisme est un mouvement d'avant-garde qui a les moyens de donner vie à son poème. Troisième thèse. Il y a Tinder pour le cul, Blablacar pour le voyage, Instagram pour dire les récits de sa vie, YouPorn pour l'imagination, Netflix pour tuer le temps, Facebook pour la rumeur. Toutes ces applications sont comme autant de médiations ésotériques. On ne danse plus autour des fétiches, ce sont les fétiches qui dansent en nous et nous produisent en tant que spectre. Tout un tas d'applications sont devenues des béquilles pour continuer de faire marcher l'être mutilé d'une vie directement vécue. Le technofascisme est un arrière-monde réalisé. C'est la dépossession individuelle et collective de la possibilité d'agir autrement que par la médiatisation marchande, sans se signaler comme dangereux. Je passe la troisième parce que Nicolas a déjà tout dit à ce niveau-là. Déjà, l'expression de village global aurait dû nous alerter, alors qu'elle prétendait envoyer au charme romantique d'un passé communautaire supposé doux et bienveillant, supposé safe. C'était en vérité au contrôle que chacun y exerce sur les mœurs de chacun. à la discipline des corps qu'entraînait une telle promiscuité productrice de contrôle qu'il était fait référence. Le village global n'est rien d'autre qu'un village d'étrangers qui se connaissent. Parce qu'il nous est de toute façon interdit d'agir en autre, nous nous savons séparer, c'est là notre seul commun. On nous laisse alors afficher une petite différence à laquelle on se crispe, comme s'il s'agissait d'une identité. Les crispations identitaires qui se manifestent dans la marchandise politique montrent bien l'horreur d'un tel glissement vers le fascisme, non plus compris comme régime, mais comme ambiance. Le technofascisme, héritier à la fois du panoptique et de la société de contrôle, trouve sa matérialité la plus éclatante dans le magasin Ikea ou dans le festival. Tous les chemins sont tracés en vue de valoriser telle ou telle marchandise, mais aussi de déterminer les directions de nos pas, tout en sauvegardant l'idée de liberté. Les Ikea ou le festival de Dour sont comme des matrices brouillonnes de la métropole qui vient. Il s'agit de guider à chaque instant les corps dans l'espace comme dans le temps et pour être certain d'être bien compris, d'habituer les corps à obéir non plus à des injonctions écrites, mais à des pictogrammes. Comme d'autres voulurent engendrer une race de seigneurs, les ingénieurs fous du technofascisme, comprises comme classe qui domine, ne cachent même plus leur ambition d'engendrer à leur tour un nouvel homme, techno-modifié jusque dans son génome. Homo Deus est la suite du vieux projet de la révolution scientifique anglaise dont les divers protagonistes rêvaient à l'édénisation du monde, avaient foi en un progrès scientifique, technique et moral qui ne ramènerait dans les conditions de plénitude du jardin perdu. C'est aujourd'hui encore cette anthropologie de la faute qui voit l'homme comme toujours pécheur, toujours incomplet, toujours à corriger, qui voudrait transcender l'humain, le faire surhumain. Ce nietzschéisme des imbéciles rêve de faire coïncider tout l'environnement avec l'homme, de produire un homme-environnement, comme la vache de sélection en sélection est devenue environnement. Ils accomplissent le projet de Dieu. Tout ce qui n'est pas de ce projet leur semble excessif, de trop, quantité négligeable, et ecce homo. Le technofascisme est à la révolution numérique ce que les fascismes historiques étaient à la révolution industrielle. L'effet boomerang d'un déracinement qui n'implique plus la destruction de formes de vie communautaires, mais de formes de vie individuelles. À mesure que la vie elle-même est jugée licencieuse, la première industrie culturelle au monde, celle du jeu vidéo, propose des produits de plus en plus impressionnants, tant par l'histoire que les graphismes, et où les possibilités de formes de vie sont immenses, voire infinies. À la non-vie répond l'établissement d'une métavie où le risque ne blesse pas, où le courage est acquis et où la mort n'est pas définitive. Avatara est un mot sanskrit signifiant la descente ou l'incarnation, sous forme humaine ou animale d'une divinité dans le monde. Si le terme vient initialement de l'hindouisme, il désigne, dans le monde moderne, la représentation informatique d'un internaute. Sur Internet, nous ne rencontrons jamais personne. Sur Internet, nous ne rencontrons que des avatars. Si une divinité, lorsqu'elle descend dans le monde, peut prendre une forme animale ou humaine, un être humain, lorsqu'il descend dans le monde numérique, doit à son tour prendre une forme. Cette forme réside en un certain nombre d'idées, de mots, de références. Elle consiste en un ensemble de données. C'est cet ensemble de données qui vaut pour une identité et la forme qu'elle prend sera toujours de l'ordre de l'hypothèse, de la supposition, du problème. Nous ne sommes pas exactement nos avatars et les avatars que nous rencontrons ne sont pas exactement des personnes non plus. C'est tiré d'un livre de Paco Mtielman qui s'appelle Infernet, que je vous conseille vivement parce qu'il est très très bien. On a fait les chroniques sur une chaîne YouTube qui s'appelle Blast. Il faisait des chroniques extrêmement littéraires. Il vaut mieux lire le livre. L'avènement de la psychologie en tant que science est inséparable de la création de l'individu en tant que notion politique, philosophique et désormais scientifique. Le rôle historique de la psychologie fut de créer un certain type d'être dont la puissance reste et doit rester circonscrite à des normes morales. Elle est, somme toute, La suivante des monothéismes qui, par la notion de libre arbitre, qui rend les femmes et les hommes librement coupables de leurs crimes ou de leurs déviances, au mépris de tout déterminisme social, c'est-à-dire qu'elle les rend librement condamnables, puisque le choix leur fut laissé entre le bien et le mal. De nos jours, Dieu n'assure plus ses médiations morales. L'Occident, mondialisé et fatigué, survit grâce aux médicaments qui viennent corriger la personnalité désignée comme déviante. Envolée l'emprise diabolique, disparue la possession démoniaque. Les formes de vie individuelles ou collectives qui sortent du cadre prescrit de la nouvelle moralité publique sont traitées en malades. Et chacun de se faire diagnostiquer au potentiel neuroatypique, hypersensible, autiste, et si souvent d'en tirer orgueil. Je suis maniaque, moi. L'originalité donc transformée en hostis à corriger, à maintenir. Le développement sans mesure des biotechnologies trouveront dans la médicalisation des caractères une promesse de correctif, une tentative pseudo-rationnelle de déraciner le mal. Un monde de plus en plus matériellement toxique se promet déjà de désintoxiquer les relations entre les formes de vie, pendant qu'il continue d'intoxiquer les corps et les esprits. Il s'en crée alors chez le sujet d'un tel hygiénisme moral une peur de la violence rendue de plus en plus accrue, à mesure que l'appareillage de contrôle rend l'agrégat occidental de moins en moins violent. L'individu pacifié, alors, agit selon la logique algorithmique de la recondition du même, du déjà-vu, déjà-connu, du sans-événement. Toute interruption de réel étant considérée comme interruption de violence. On dit « le temps des héros est passé ». Pour pallier à la longue agonie de la famille nucléaire patriarcale classique et de son sujet, correspond l'avènement d'un néo-familialisme, la bulle, la communauté toujours terrible qui possède l'immense qualité de laisser croire à ses membres qu'ils se sont élus les uns les autres et peuvent donc à loisir se délier d'autant plus facilement. Ils appellent cela la liberté. La bulle, c'est la famille sans lien de sang qui oblige. C'est somme toute sa version consumériste. Je vais arrêter là parce que c'est très ardu quand même, je trouve. Mais je vous inviterai à lire ça sur un blog qui s'appelle Obsidional. Obsidional, c'est un adjectif qui désigne les plantes qui poussent après les guerres. Par exemple, la plus connue des formes obsidionales de fleurs, c'est le coquelicot, qui a fini par représenter l'après-guerre 14-18. Enfin, bon. On s'est appuyé vraiment sur la recherche de Bénédicte qu'elle avait menée précédemment, parce qu'elle a mené une recherche de 3 ans sur la transition, mais je vais y revenir. Donc ça, c'est le plan de ce qu'on va vous présenter rapidement. Donc l'introduction, donc cette question initiale en lien avec les recherches sur la transition, hein, parce que la transition, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu et qu'on entend toujours beaucoup aujourd'hui. Je vous parlerai rapidement de la méthodologie et des publics cibles, dans lesquels je pense vous reconnaîtrez aussi quelqu'un qui est présent ce soir. Et surtout, Pascal évoquera avec vous les principaux résultats et les conclusions et perspectives, quelques références. Alors évidemment, c'est super important pour nous de présenter aujourd'hui la recherche ici, puisque finalement, je pense que c'est la première restitution qu'on fait avec, en tout cas, je reconnais un des gens qu'on a interviewés dans le cadre de cette recherche. Donc pour nous, c'est aussi intéressant d'avoir un retour de la restitution qu'on va vous faire ce soir, quoi, évidemment. Alors, bah, cette question initiale de la transition qui fait débat, on pourrait la formuler comme telle. Si le mouvement de la transition initié par Rob Hopkins n'est pas suffisamment inclusif de toutes les couches de la population, quel levier pourrait permettre d'intégrer les publics subalternes, selon une perspective Gramscienne, dans notre système de société? Les publics subalternes? Oui. C'est quoi? Alors, on va y revenir, parce qu'on justement, on l'a défini, et la définition a évolué au cours de notre recherche, mais au départ, on est parti sur des publics qui sont plutôt des bénéficiaires de CPS, des sans-papiers, donc des gens finalement très éloignés de par leurs conditions d'existence des thématiques de la transition. Et donc on est, et ça c'est plutôt Bénédicte qui a mené, enfin les étudiants de Bénédicte qui a mené ces entretiens auprès de ces personnes pour leur demander, tiens, la transition, ça vous évoque quoi, etc. Parce que ben, dans la recherche de Bénédicte, elle avait repéré en gros que les gens impliqués dans la transition actuellement sont plutôt un public de classe moyenne. Donc ça, c'est un schéma qui est ici issu de sa recherche en 2018. On est en 2018, mais on est globalement autour de entre 400 et 2000 euros de salaire net hors bénéficiaire du CPAS. Ben, il est bien en dessous, et son papier aussi. Donc c'était vraiment ça. Et c'est pour ça que je pense que Bénédicte était aussi intéressée dans cette recherche, c'était de dire, ben, tiens, qu'en est-il de ces publics et de leur rapport à la transition. Donc ces étudiants ont mené des entretiens avec ces publics. Et très vite, en gros, il y avait assez peu d'intérêt pour les logiques de transition. Hein. On a des extraits d'entretien, puisqu'il y a vraiment des logiques qui répondent. En gros, on est dans des logiques de survie au jour le jour. Donc, trier nos déchets, c'est assez loin de leur réalité quotidienne, on va le dire ainsi. Et de fil en aiguille, nous, on s'est retrouvés, je ne sais plus trop comment, mais une assemblée des luttes d'un squat à Liège qui s'appelait Entre Murs, Entre Mondes, qui a organisé une assemblée des luttes, où ils ont rassemblé une série de collectifs, et certains étaient déjà impliqués dans... Alors, on ne va pas parler de transition, mais étaient préoccupés par la question de l'urgence écologique et climatique, et mettaient déjà en place concrètement des dispositifs. Mais on va y revenir, parce que de fil en aiguille, après cette assemblée des luttes, donc on a rencontré déjà potentiellement un grand nombre de personnes à interroger et interviewer, on s'est rendu compte qu'il y avait les troisièmes rencontres internationales d'écologie sociale qui allaient s'organiser à Liège, dont vous avez peut-être entendu parler. On s'est retrouvé aussi pour rencontres internationales d'écologie sociale à mener des entretiens avec une série de gens. Et puis en étant aux rencontres internationales de l'écologie sociale, on s'est retrouvé à la commune des communes, organisée par les gens de Commercy, mais qui s'est faite à Sampigny, où là vraiment ils ont fait se rencontrer les enjeux des Gilets jaunes, et les questions écologiques. Donc ça, c'est un peu le cheminement de notre recherche. Qui fait que le profil des publics subalternes va évoluer, évidemment. Oui, mais ça, on va vraiment y revenir. Parce que c'est vraiment une question centrale, quoi. Donc, comme intuition méthodologique, on avait les Cultural Studies de Stuart Hall. Donc c'est un projet d'études interdisciplinaire et collectif qui a pour champ les formes, les pratiques et les institutions culturelles et leur rapport avec la société et le changement social. C'est une approche ainsi définie par les Cultural Studies comme une mise en marche de la pensée tournée vers l'action. Donc on s'est rendu compte qu'il y a une série de collectifs qui sont déjà plutôt dans le milieu des squats, mais aussi chez les Gilets jaunes ou les zadistes, dans des démarches qui tiennent compte de l'urgence écologique. Et donc ça, c'était vraiment notre intuition méthodologique. Alors la question, la notion de subalterne chez Antonio Gramsci, qui était vraiment à la base, Antonio Gramsci qui est aussi à la base de la pensée des Cultural Studies, hein, puisque... Les Cultural Studies sont repartis de l'analyse gramscienne pour mettre en place les Cultural Studies. Donc, à son origine, le public subalterne chez Antonio Gramsci était défini comme composé de groupes sociaux marginaux ou de classes fondamentales, bien qu'encore non hégémoniques. Okay, donc ça, c'est la première définition, mais la définition évolue chez Gramsci et elle va évoluer aussi chez d'autres auteurs, comme on va le voir après. Mais c'est plus dans sa dimension, donc plus antagonique, et son rapport avec la notion de dominant, qu'il est intéressant d'aborder ce concept car le nouvel usage du terme subalterne est dialectiquement lié au terme dominant. Donc nous, on est parti là-dessus. Il y a des dominants et il y a des subalternes. Mais vous allez voir que cette notion évolue encore chez d'autres auteurs. Donc, on a précisé cette notion subalterne. Donc en gros, on était parti sur des publics, presque subalternes d'office, quoi, bénéficiaires du CPAS sans papier. Et puis on s'est retrouvé vers d'autres publics qu'on pourrait identifier comme la classe moyenne, quand même, parce que c'est beaucoup des gens qui travaillent et tout ça, mais qui sont impliqués quand même dans des ZAD, dans des mouvements sociaux. Donc on a précisé cette notion de subalterne en vérifiant la correspondance de l'évolution de cette définition auprès de différents auteurs, donc ils sont là, au regard des publics investigués. Et on en est arrivé à une première conclusion, c'est que la caractéristique commune à tous ces publics et de pouvoir être définis comme des contre-publics subalternes, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas leurs conditions de subalternes, mais qu'ils mettent en place des processus, des dispositifs, qui ont des pratiques infrapolitiques. Ces publics sont déjà actifs et proposent une série d'initiatives concrètes tenant compte de l'urgence écologique dans une visée de changement social. Donc ce qui fait vraisemblablement de nous des subalternes. Oui. Et ça, j'en reviens un peu à tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est que toute la période de la pandémie a fait de nous tous des subalternes, en fait. Hein. Donc, c'est une doctrine communiste. Oui, la Gramsci, oui. Oui, la Gramsci, oui. Ok. Alors, au niveau de la méthodologie, donc, d'un point de vue méthodologique, cette recherche de 3 ans, j'ai oublié de le dire, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on commence avant le Covid, on commence en 2019, et puis on poursuit pendant le Covid, en fait. Et notamment, on développe une recherche-action qui sera très avortée, puisqu'on fait 2 rencontres en présentiel, et puis nous sommes confinés. Donc on va essayer de la maintenir en visioconférence, et on va l'abandonner, parce que très vite, on se rend compte que ce n'est pas possible. Mais par contre, il y a eu d'autres rencontres au cours de la recherche, notamment une délégation aux zapatistes, hein, pendant le voyage de la vie qu'ils ont fait en plein Covid, qui était quand même un truc assez, avec le recul, incroyable, puisque ces zapatistes qui n'avaient jamais quitté le Chiapas se sont retrouvés à Liège, avec des masques, enfin c'était quand même des moments incroyables. Et nous, on a eu la chance en plus d'assister à une rencontre entre la délégation zapatiste et une délégation du Rojava. On y reviendra, mais les 2 grands exemples, mais ça je le laisse à M. Midrez, de nos résultats, les 2 exemples, c'est le Chiapas des zapatistes et le Rojava des Kurdes, quoi, en gros. Mais on y reviendra. Donc, de 3 ans, qui se base sur 49 entretiens semi-ouverts, avec des migrants, des militants écologistes, des gilets jaunes, des bénéficiaires d'aide sociale, des squatteurs, des zadistes, une délégation zapatiste, des porte-parole d'initiatives de centres autogérés, de fermes coopératives, et des auteurs faisant partie de collectifs citoyens. Alors, plutôt que vous faire un long discours, je vais vous présenter une petite vidéo qui présente tous ces publics que nous avons rencontrés. Je vous le disais, vous allez reconnaître quelqu'un qui est présent ici ce soir et qui nous a invités à cette soirée. Et c'est pour ça que c'était important aussi de venir vous le présenter. Vous allez peut-être aussi reconnaître des images de ce qu'on a appelé les cortèges de braise à Liège, qui sont ces premières manifs en octobre-novembre 2020, où on est sorti à 250 dans les rues, bravant l'interdiction du couvre-feu. Et donc on a mené des entretiens. Et pour l'anecdote, sachez quand même que j'ai eu la visite de la PJ une semaine après, à mon domicile, même si mon directeur m'a dit « c'est un chercheur », j'ai quand même été interrogé par la police judiciaire. Alors voilà à quoi ça ressemble. Où étaient les intellectuels pendant le mouvement Gilets jaunes? Où étaient nos sociologues? Enfin, ils n'étaient pas là. Donc il y avait une espèce de, dans ce pays, il y a une espèce de petite république des copains comme ça, où ils sont entre eux, ils parlent de trucs entre eux, ils produisent un savoir dans un jargon qui finalement ne parle qu'à eux. Et comment est-ce qu'on fait pour que à l'avenir un mouvement social qui émerge et qui émergera forcément, ben puisse être analysé? Non pas depuis le camp de l'ULB donc, ou le camp de l'UCL, donc, c'est-à-dire le camp de la bourgeoisie qui va finir par produire un savoir qui sert au maintien de l'ordre, mais depuis notre propre camp, pour aider ces mouvements à se perpétuer, c'est aider ces mouvements à avoir confiance en eux. Et comme se réapproprier la presse ou se réapproprier des fermes, et ben, se réapproprier l'université permettrait ça, justement, notamment dans un décloisonnement de cette dichotomie un peu absurde qui est savoir pratique et savoir théorique. Je crois que savoir abattre un arbre, c'est tout aussi intéressant que savoir lire la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Allez, on attend les 2000 au moins. seulement sur ce qu'elle vit, mais aussi sur comment on s'organise et les initiatives de solidarité, les demandes qu'on a. Et voilà, en fait. Je me suis inscrit sur le groupe pour suivre un peu ce qui se passait, parce que j'avais vu un poste, mais j'ai dit, genre, c'est vachement cool, des infirmières, des aides-soignantes et tout ça, qui se lient avec des médecins, des chirurgiens, pour faire remonter des critiques assez fondamentales de fond, et en même temps une expérience de terrain qui contredit les mesures, ou en tout cas qui questionne fondamentalement les mesures qui étaient prises par le gouvernement. Ben, la santé en lutte, quand je me suis inscrit, il y avait moins de 1000 personnes, maintenant ils sont 17 000. Je cède la parole à monsieur Midrez. Bon, je suis un excité, moi, donc il me faut beaucoup de place, donc là je vais essayer de faire un effort, puisque je suis confiné derrière le truc. Donc, alors je vous parle des principaux résultats de cette recherche, hein. Qui prennent la forme de différentes logiques d'action. Et je vais vous citer quelques extraits d'entretiens qui sont significatifs, évidemment, et qui représentent la majorité de ceux qu'on a recueillis. Donc le premier truc, c'est, histoire que les choses soient bien claires, un sentiment donc relevé. Donc ce que je vous raconte, c'est les éléments qu'on a relevés partout, dans tout ce qu'on vient de voir comme type de public. Donc le premier bazar qui ressort vraiment très fort, sentiment anticapitaliste. Là, pas grosse surprise, mais quand même, donc une croissance infinie sur base de ressources infinies, plus personne n'y croit. Donc on a par exemple, pour illustrer cette phrase, Marjorie de la Commune des Communes, qui nous explique se situer en rupture avec le capitalisme vert, en rupture aussi du coup avec l'écologie sociale démocrate ou l'écologie libérale, parce que l'on considère qu'on ne peut pas allier capitalisme et écologie. C'est déjà bien clair. Un ensemble de propos qui a été fort bien aussi synthétisé, je suppose que vous aurez vu sur les réseaux, l'appel à déserter des étudiants ingénieurs agronomes, qui explique clairement, fraîchement diplômés, ben, on ne croit ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique. Une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on ne se débarrasse de l'ordre social dominant. Donc, ça peut être peu surprenant, n'empêche que ici le changement social qui est souhaité par l'ensemble des interviewés vise clairement une économie morale et un changement structurel. Deuxième logique identifiée, retour au local et à la nature. Tous ces bazars-là reviennent chaque fois. Donc, il s'agit de rendre les communes autonome en énergie, en alimentation, par la création de coopérations, outils de production plus social qui recréent du lien et n'opposent pas la fin du monde avec la fin du mois. C'est ce que nous raconte Steven, Gilet jaune. Pour lui, il faut s'approprier les lieux où on habite, où on agit, et réinvestir les espaces délibératifs et les bâtiments municipaux. Je pense, nous dit Laurent de la ferme du Haillon, que dans un monde qui change à grande vitesse, les petites communautés sont des outils de résilience avec tout le défi inhérent de vivre en groupe plus ou moins autonome et plus ou moins relié à d'autres réseaux. On a plein de cas théoriques aussi qui vont avec ça, mais ne vous casse pas la tête avec ça. Troisième logique qui ressort très fort du truc, c'est le désir d'être dans le faire. Donc là, une citation hyper, hyper claire. « Après 4 semaines de chantier, il y a des gens qui changent radicalement leur perspective sans que cela ne passe par le discours. C'est juste dans le faire. Faire une yourte ensemble, c'est tellement émancipateur. Ça, c'est ce que nous raconte Lio, qui, lui, est zadiste à Notre-Dame-des-Landes. Quand on visite la ferme du Haillon, on tombe dans un chantier bûcheronnage. On a vu les images. Et là, les gens, ils viennent de partout. Enfin, partout en Belgique. Hein. Et tout le monde travaille en fonction des compétences. On constitue des équipes et on partage les savoir-faire avec une hiérarchie circonstancielle. C'est-à-dire que celui qui maîtrise la tronçonneuse, ben c'est lui le boss de la tronçonneuse. Hein? Le boss du Haillon, quoi. Comment ? Parce qu'on marque du haillon bénévole, quoi, c'est ça, c'est le, ça. Le chef permanent du haillon, quoi. c'est chouette. C'est l'émancipation. Alors, pour les trois logiques d'action identifiées suivantes, je vais les rassembler ensemble, parce qu'elles se touchent très fort. Notamment, l'aspiration à un changement social immanent. Donc ça, c'est pas rien non plus, parce que ça sort de partout. Donc le changement social de l'intérieur. Pas faire front face aux armées, non. Par contre, immanent, oui. Et toujours collé avec un principe d'assemblée populaire. Partout, ce type de principe s'essaime comme des champignons. Ces deux logiques se retrouvent, en fait, dans l'aspiration qu'on a constatée partout à une démocratie directe et locale. Ce qui recroise aussi l'exposé de Nicolas, je trouve, quand il parle de démocratie, qui est un processus, etc., et notamment de la représentative, et de ce qu'elle nous a mis dans les dents avec le Covid, notamment. Donc, la démocratie participative, c'est une tarte à la crème. Donc là, le gars, il ne parle pas de la représentative. Il parle de la participative, et il te sort, c'est une tarte à la crème, mon vieux. Ça revient exactement au même que la démocratie représentative, aujourd'hui, avec de l'enfumage en plus. Mais non. Mais si. Et ça, c'est Claude de la Commune des Communes qui nous le confie. Et qui a mis en place une liste au derrière municipal, qui a été élue et qui met en place une logique de démocratie directe sur Commercy. Ouais. Ouais. Donc il progresse aussi. Alors, lors de la rencontre historique entre les délégations zapatistes du Chiapas et l'autre des Kurdes du Rojava, qui sont en matière d'écologie sociale, on va y revenir, les deux phares en matière de démocratie directe, en tout cas, les zapatistes nous ont expliqué que leur démocratie fonctionne en élection directe. Celui qui reçoit beaucoup de votes ira au Conseil de bon gouvernement, 3 ans. Conseil bâti sur 7 principes. Alors essayez d'imaginer ces principes avec nos représentants politiques. Premier principe, servir et ne pas se servir. Construire et ne pas détruire. Représenter et ne pas usurper, convaincre et ne pas vaincre, obéir et ne pas commander, descendre et ne pas monter, proposer et ne pas imposer. Donc ça, si tu veux aller chez les zapatistes, tu joues à ça. Sinon, tu n'iras pas au bon gouvernement, conseil du bon gouvernement. Donc la quête pour ce type de démocratie directe est récurrente dans tous les témoignages et partout, selon certaines variantes, évidemment, elle passe par un principe d'assemblée populaire. Et dans les milieux qu'on a investigués, c'est là qu'on a constaté et observé de manière suffisamment significative certaines limites, certains écueils. Il y en a aussi. Qui peut générer un effet contre-productif, notamment quand les questions de forme prennent le pas sur les questions de fond. Ainsi, on en constate principalement 3. On est parfois confronté à une sorte de dictature de la bonne pensée. À ce sujet, notre hôte nous confiait notamment quelqu'un qui n'a... Attends, où est-ce que je suis ? Quelqu'un qui n'a pas les bons gestes, pas la bonne parole, pas la bonne manière de s'habiller, on va exiger de cette personne qu'elle se déconstruise et qu'elle ait d'abord tous les codes militants avant d'être acceptée. Bravo. Merci Roland. Des sources. Mais ça, on l'a constaté, j'ai plein d'exemples à vous donner, à maintes reprises, et évidemment, ça génère exactement l'effet inverse que celui qui est escompté. Alors, on observe aussi régulièrement une confusion entre hiérarchie et rapport de domination, puisque c'est ce qu'on veut combattre chaque fois, et leadership. On a tellement d'aversion contre la domination ou la hiérarchie, que régulièrement, dans les milieux investigués en tout cas, on ne supporte pas que quelqu'un sorte du truc, quoi. Donc, pas de chef, pas possible. Mais alors, tu arrives dans des trucs où tu n'en sors plus, tu nages pendant des heures, et si quelqu'un, ne serait-ce que par son charisme, je veux dire, eh ben non. Ça, c'est quand ça foire, hein. Mais on l'a observé aussi, ce truc-là. Et c'est plus régulier qu'on ne pourrait croire. Et aussi, ce qui est impressionnant à observer, et notamment rien que pour la cité à la Commune des Communes, qui rassemble quand même tous les gilets jaunes de France, c'est un gros truc, eh ben, il en va aussi également de la rigidité de certains processus. Notamment, ça c'est terrible, hein, comment va-t-on fonctionner? Donc la réunion dure 3 heures. Première question, comment va-t-on fonctionner? Est-ce qu'on fait deux groupes ou un groupe? Ah, premier débat, on tourne demi-heure, hein, je ne ris pas. Deuxième question, ah oui, mais il y a des sous-groupes, parce que, je sais pas moi, n'importe quoi, est-ce qu'on met autant de filles que de garçons? Est-ce que le truc, alors après, ce qu'on trouve, je vous jure, c'est du vécu, après 2h49, on ne sait toujours pas comment on fonctionne. Fini. Terrible, enfin, soit, là, je pourrais vous parler pendant des heures des trucs de fou. Alors que c'est pulsé par une intention qui est certainement noble, hein, mais à force d'excès de zèle, de temps en temps, c'est pas... Attends, c'est juste. Alors, où est-ce qu'on en est? Différentes, oui. Ce qui nous a aussi vraiment très fort marqué et qui nous inspire pour la suite, c'est que ces différentes logiques d'action peuvent induire certains cas théoriques. Évidemment, il y a plein de bonhommes qui ont écrit ce que je vous raconte. Hein. Mais parmi ceux-là, Bookchin, il sort de partout. Donc Bookchin, écologie sociale, est clairement incontournable. On ne le connaissait pas avant. Et l'écrasante majorité des gens qu'on a interviewés ne connaissent pas Bookchin avant, de toute façon, ne le connaissaient pas avant d'entrer en lutte ou en démarche. Alors, le principe écologie sociale, son principe phare, démontre que les problèmes écologiques découlent avant tout des problèmes sociaux. Alors, en un mot, ça propose de changer la domination de l'humain sur l'humain pour, de manière finalement automatique, supprimer la domination de l'humain sur la nature. Décentralisation, retour au local, ça c'est l'écologie sociale. Municipalisme libertaire par démocratie directe et locale. Économie morale, écotechnologie libératrice, réhumanisation de l'être humain et méthode pour le changement. Tu dirais presque un copier-coller des résultats qu'on a identifiés et qui viennent du terrain et de notre ami Bookchin et de son écologie sociale. Donc c'est très interpellant à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? Ici, on est là. Hein, donc c'est intéressant parce que je pense que situer ici cette recherche et avoir votre tour, c'est super intéressant pour nous, évidemment. Sinon, depuis lors, tant que je suis là, vas-y. J'y vais. Vas-y. Puisque nous, une de nos questions, on est financé par Elmo, on forme des éducateurs et des travailleurs sociaux. Un de nos objectifs ou de nos volontés, c'est d'essayer d'inclure ces résultats dans les cours qu'on donne. Et le moyen qu'on a trouvé tant que maintenant, c'est d'adapter une méthodologie du projet. Donc chez nous, les travailleurs sociaux, le cours méthodologie du projet est un cours très important, puisque notamment les animateurs socioculturels et sportifs, toute leur carrière, c'est répondre à des appels à projets. Je veux dire, c'est quelque chose tout le temps qui vient. Donc on a adapté la méthode de projet classique, je ne vais pas vous emmerder avec ça maintenant, mais qui va intégrer tous les principes de l'écologie sociale. Donc, et on a déjà des étudiants, le dernier qui a essayé d'appliquer ça, il a fait un stage dans un home de vieilles personnes, je ne sais pas comment ça s'appelle, maison de vieux, quoi. Et le mec, il a fait un stage pendant 3 mois, il est sorti de là, il avait créé un petit comité de petits vieux, et le petit comité de petits vieux, ils n'étaient plus d'accord, c'était pas mal de bouffer des frites le jeudi. Ils sont descendus, ils ont été trouver le voisin parce que le petit Ravel, les petits vieux, ils n'avaient pas accès, ils n'arrivaient pas, c'était trop caillouteux. Donc ils ont écrit une lettre au bourgmestre. En fait, tu vois le bazar. Rien qu'en appliquant notre méthode, puisque ça intègre tous ces trucs-là. Donc voilà. On pourra vous informer d'un site qu'on est en train de construire aussi avec les collègues. Puisque ceci a donné aussi naissance à un petit manifeste qu'on a écrit d'une 20aine de pages et qui est suivi par cette méthode de projet auquel vous pourriez avoir accès d'un seul clic. Tu veux embrayer sur autre chose? Non, dire aussi que s'il y en a parmi vous qui souhaiterait écrire un article sur ces questions, qu'on va coordonner un numéro de la revue Le Sociographe en juin 2024 et qu'il y en appelle à hauteur jusqu'au 1er décembre. Donc, voilà. N'hésitez donc, ça, pas. Franchement, ouais, Le Sociographe, c'est quand même une revue balèze. Et ben voilà, on est invité à trouver des auteurs dans le monde francophone et même hors francophone. Qui peuvent pondre un article qui traite à la fois de l'écologie sociale et du travail social. Comment marquer ces deux trucs-là ? Le micro ouvert, c'est terminé pour aujourd'hui.